visage fané, fleurs oubliées, plaisir perdu, désir acheté, souffrance secrète, douceur muette, sourire cynique, instant panique, solitude déchirée, pensée dépassée, jardin secret et bien sûr jardin d'été, amour protégé, avenir délaissé, monologue forcé, texte arraché. Et où sont les hommes? Et où sont les hommes? Et leur bonheur? Et leur bonheur? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Ils me font peur. Ils me font peur. Mais est-ce que les hommes? Est-ce que les hommes réussiront à me tuer? Réussiront à me tuer. Est-ce que les hommes? Est-ce que les hommes vont m'achever? Vont m'achever. Très peu me suffit. Je hais les hommes. Je n'aime que peu de personnes. Un jour ils me tueront. Ceux que j'aime me sauveront. Nous sommes 6 milliards et demi. Moi j'ai que très peu d'amis. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Très peu me suffit. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, mons